nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1948, nombreux furent les amateurs de boxe en France à retenir leur souffle à l'écoute de la retransmission en direct du match qui opposa le français Marcel Cerdan à l'américain Tony Zale pour la finale des championnats du monde poids moyen qui se tint aux États-Unis à Jersey City. Tony Zale, le tenant du titre, était donné grand favori, mais ce fut bien Marcel Cerdan qui, à l'issue du 11e round, devint champion du monde. Un peu plus d'un an plus tard à peine, l'amant de la môme Piaf était tué, à 33 ans, dans un tragique accident d'avion. Le 2 novembre 1959, 10 ans après le drame, une édition spéciale du journal Parlé lui rendait hommage en diffusant archives et témoignages sur l'homme aux mains d'argile, dont le souvenir était encore vif et l'aura immense. Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parlé. Ce soir, un homme, deux gants. Hommage à Marcel Cerdan, une réalisation de Tommy Franklin et André Bibal. Il y a 10 ans, l'avion FBAZN Paris-New York s'écrasait aux Açores en heurtant le Mont Redonto, dit le pic de la mort. Il y avait 48 personnes à bord. Il n'y eut aucun survivant. Dans cet accident, la France perdit un des plus grands boxeurs de tous les temps, Marcel Cerdan. Cependant, si nous pleurions un athlète hors classe, c'était aussi la perte d'un brave garçon qu'il nous était donné de déplorer. Un homme qui ne savait pas dire non et pour qui l'acte généreux était aussi naturel que les coups qu'il donnait dans le ring. Et puis, pour la jeunesse, Cerdan représentait le panache, la gloire, l'adversaire qui vous regarde en face, en un mot, la légende. Le public du sport est un public qui se souvient. Le souvenir de Marcel Cerdan est resté vif en nous. Que les postulants champions d'aujourd'hui prennent connaissance de la carrière de Marcel. Qu'ils méditent sa leçon. Cette leçon de conscience professionnelle, d'honnêteté sportive et surtout de simplicité totale. Qu'ils apprennent aussi la valeur du deuxième sourire. Celui des soirs de défaite. Celui des soirs où, à l'issue du combat, l'arbitre lève le bras de l'autre pendant que le vaincu reste dans son coin. Qu'il cultive donc ces qualités naturelles que Marcel Cerdan avait en lui et n'eut jamais à acquérir. C'est alors que nous nous rappellerons que la boxe s'appelle aussi le noble art. Marcel Cerdan était né le 22 juillet 1916 à Sidi-Bel-Abbès en Algérie. Sa première victoire dans le rang des professionnels remonte à 1933 où à Casablanca il battit Gomez au poing. Son palmarès comprend 123 combats. Sa première défaite, on ne l'enregistra que le 9 janvier 1939 devant Craster à Londres où il fut disqualifié au 5e round. Et ce fut encore une longue suite de victoires devant les grands noms du pugilisme européen. Curiello, Locatelli, Kijanas, Quidri, Humry, Gibson, Despot, Tenet, Diouf, Valzac, Butin, Ferrer, Charon, puis ce fut les Américains, car son premier voyage remonte au mois de décembre 1946 aux États-Unis où il battit Abrams le 6 décembre de la même année. Ce fut ensuite des victoires sur Harold Green, Anton Radic, Laverne Roach. Il encaissa une autre défaite devant le Belge Delannoy à son retour en France, mais quelques mois plus tard, à Bruxelles, il eut encore sa revanche. Quel témoignage pourrait être plus convaincant que ceux des hommes qui furent les victimes de Marcel dans le ring ? Trois d'entre eux ont répondu à notre appel. Voici tout d'abord le témoignage d'Hassan Diouf. J'ai connu Marcel vraiment très très bien. C'était un bon ami, un grand ami, parce que Marcel, sur le ring, c'était le vrai lion, mais à part le ring, c'était vraiment un grand camarade, un grand ami. Enfin, ce combat a été conclu pour le championnat de France, j'ai tenu le titre en ce moment, et j'étais battu par Cerdan, par Nakat, au troisième round. Despot, vous avez été champion olympique, et en 1936, je me souviens de cette belle victoire que vous avez remportée à Berlin, et après vous êtes devenu professionnel, et vous avez rencontré vous aussi Marcel Cerdan. J'ai rencontré Marcel Cerdan le 13 mai 1945. Marcel m'a touché D'entrée, dans les 10 premières secondes, il a dû me toucher d'un gauche-droite, n'est-ce pas ? Et j'étais pratiquement knock-out. Au troisième round, il m'a envoyé à terre. Je me suis relevé. Oui, machinalement. Je l'ai lu, moi. Je ne sais pas. Je l'ai lu sur le journal. Parce que si vous étiez conscient, vous auriez dû, lorsque vous êtes tombé à terre là, pour la deuxième fois, vous seriez resté au moins jusqu'à 8 secondes Exactement. Pour récupérer, n'est-ce pas ? Je me souviens, j'ai aucun souvenir de mon combat contre Marcel. Valzac est venu nous rendre visite à notre demande pour nous parler de Marcel Cerdan. Vous savez que Valzac a rencontré Marcel Cerdan et il a été battu, car vous savez que Valzac était un excellent poids moyen, mais il va nous dire ce qu'il pense justement de ce combat où il a connu une défaite. Marcel Cerdan, c'est un grand champion. Quand je le boxais, c'était le 9 février 48. J'avais à peine 26 ans quand je le boxais. Oui. Et il m'a fait mal au quatrième round, il m'a touché au foie. Je croyais que c'était le foie et la tête tout éclaté. Et comment se comportait-il dans la vie privée ? Oh, il était très gentil, très doux, très doux. Tu es doux comme un moineau. Oui. Il jouait aux cartes beaucoup, il s'amusait beaucoup. Il aimait beaucoup s'amuser. Ah oui, beaucoup jouer. Et pas méchant du tout. Pas méchant du tout. L'arbitre du premier combat professionnel de Marcel Cerdan était M. le préfet Georges Hutin. C'est avec émotion qu'aujourd'hui, il rend hommage au champion disparu. Il avait étendu son adversaire avec une telle puissance que l'on sentait déjà en lui l'étoffe d'un grand boxeur. Je m'étais intéressé à lui dès cette époque, non pas seulement parce qu'il avait facilité ma tâche d'arbitre en gagnant par KO, mais pour sa simplicité et ses qualités de cœur. Il menait une vie matérielle très difficile, ses parents étant d'origine très modeste, et où les fins de mois n'étaient pas très commodes. J'avais pu faciliter son déplacement en France, ainsi que celui de son manager Lucien Roup. L'un et l'autre me conservaient un grand attachement et venaient souvent me demander conseil. Devenu un grand champion, Marcel Cerdan avait conservé cette modestie naturelle qui faisait son charme. Je le revois encore à la réception de l'hôtel de ville, après sa victoire du championnat du monde, impressionné par cette foule qui l'acclamait, me saisissant la main et les larmes aux yeux, me disant « c'est trop pour moi ». Marcel Cerdan a été un champion dans toute l'acception du terme. Et c'est certainement ce que pensaient tous ceux qui, à l'appel de l'association des amis de Marcel Cerdan, étaient venus jeudi dernier dans cette église de la place des Abbesses qu'il aimait, apporter un hommage ému à la mémoire de celui qui fut le meilleur de tous et un exemple. Enfin, le 22 août 1948, juste avant son départ pour l'Amérique, où il devait rencontrer Zell pour le titre mondial des moyens, Marcel Cerdan, accompagné de son manager Lucien Roup, nous avait rendu visite. Et à la question « Pensez-vous que Tony Zell sera l'adversaire le plus dangereux que Cerdan aura trouvé sur sa route ?» Lucien Roup avait répondu « Il ne serait pas champion du monde. » C'est la logique même. C'est exact. Et en dehors de ça, d'après les renseignements que j'ai, Zal est un homme très adroit, très froid, n'est-ce pas, et qui certainement ne prendra pas Marcel à la légère. Bon. Eh bien, Monsieur Roup, je vous remercie. Malheureusement, je sais que vous êtes extrêmement pressé pour partir. Vous avez votre avion qui vous attend. Je vais profiter des derniers moments que nous accorde Marcel Cerdan avant de disputer ce titre de champion du monde pour lui demander ce qu'il pense faire là-bas. Évidemment, c'est une question un peu bête que je vous pose, mais je voudrais que vous le disiez à tous les auditeurs, et vous savez que les auditeurs français vous soutiennent, vous aiment beaucoup et attendront avec impatience le résultat de ce match. Ben, ce que je peux dire, c'est que je vais disputer ce combat avec tout mon cœur, avec toutes mes forces, avec... Vous partez pour gagner, et je sais que vous le ferez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une chose, je ne le dirai pas d'ailleurs, mais vous souhaitez de faire un très beau combat, et sachez que ce soir-là, le 21 septembre, toute la France sera à l'écoute et toute la France vous soutiendra. Et le 21 septembre 1948, à Jersey City, Marcel Cerdan battait l'Américain Tony Zale et devenait champion mondial des poids moyens. Aussitôt, c'est un éclair de joie qui traversa la France. Téléscripteurs et linotypes cliquaient leur message de victoire. Et Marcel, lui-même, avait le cœur gonflé de joie. Tony Zell s'attendait à une tactique de défense. Et je crois qu'il a été surpris par mon offensive. Il s'attendait à que je recule, à que je me couvre pendant 5 reprises, puisqu'ils avaient mettre KO en moins de 5 reprises. Seulement, c'était un championnat du monde. Je m'étais bien préparé, j'étais en pleine forme et j'ai voulu, moi, être champion, quoi. Et tu l'as été. Hélas, cette joie ne devait durer que le temps court, bien trop court, de 8 mois. Lorsque Marcel Cerdan revint à Paris après son combat malheureux devant la Motta, où il perdit son titre par abandon au 10e round, le 16 juin 1949 à Détroit, nous étions à Orly pour recevoir le boxeur. Il apparut à la porte de l'avion, il avait les traits tirés, il portait son bras en écharpe. Comment il en était arrivé là? Voici ce qu'il nous déclara. Le match s'est déroulé en plein air au Brick Stadium de Détroit. Le match devait avoir lieu à 10h du soir. J'étais dans un état d'énervement indescriptible car le mauvais temps régnait sur la ville et je craignais que le match fût remis. J'étais en excellente forme. Je pesais 72 kg 235 alors que la Motta n'en avait accusé que 71 kg 822. Duke Burston m'encouragea et me tranquillisa en me répétant « Boxez comme vous l'avez fait devant Tony Zal et vous conserverez votre titre. » Hélas, peu après le début du combat, je fus déséquilibré et je tombai sur le tapis du ring, mais l'arbitre n'eut pas le temps de me compter. C'est peut-être cette glissade qui provoqua la douleur à l'épaule gauche. Douleur qui s'accentua au fil des rounds. Les rounds étaient pour moi un véritable calvaire, je ne boxais que d'un bras. Lou Burston et Longman, prévoyant le danger, me demandèrent d'abandonner. « Je ne veux à aucun prix abandonner », leur ai-je répondu. Mais le combat devint inégal de plus en plus et Lou Burson ne voulut pas engager sa responsabilité et il dit « J'arrête ». Et c'est ainsi que Marcel Cerdan perdit le titre mondial des poids moyens. Mais à Orly, nous avions décelé, dans son regard volontaire, le désir de reconquérir son titre. Il s'y prépara sérieusement, hélas, le destin ne lui permit pas de redevenir champion du monde des poids moyens. Il y a 10 ans, comme le temps passe, que Marcel Cerdan repartait pour l'Amérique, chargé de mission par tous les sportifs de France. Chargé de la mission de reconquérir le titre mondial des poids moyens. Que le sort, peut-être encore plus que Jacques Lamotta, lui avait dérobé. Nous ne devions jamais le revoir. Voici sa citation à l'Ordre de la Nation. Champion de boxe dont la conduite pendant la guerre et la juste popularité ont fait une des figures les plus exemplaires du sport français. A trouvé la mort dans la catastrophe aérienne des Açores au moment où il allait combattre pour reconquérir le titre mondial. Il y avait 48 personnes à bord du FBA Zeden. Il n'y eut aucun survivant. Vous venez d'entendre Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parler. C'était Un homme, deux gants, hommage à Marcel Cerdan, une émission diffusée pour la première fois le 2 novembre 1959. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Et je m'en vais clopin, clopant dans le soleil et dans le vent. De temps en temps, le cœur chancelle. Y a des souvenirs qui s'amoncellent. Et je m'en vais comme s'envole une hirondelle. La vie s'enfuit à tire d'aile et ça fait mal. Cœur d'enfants qui s'en vont seuls, clopin, clopin.